les vifs encore plus fort. Encore plus fort qu'Albator. La basse jouée au médiator. Des mecs hirsutes qui filent des lions. Un truc qui pousse, jamais loin de les mousses. Une furie, mes hélicoptes qui fout la trousse. Tu les aimes tes champis vieilleux. Pas très joli, pas propre sur eux. A aucun moment, âme sensée de tes confiances. À leur odeur fanée de beurre rance. Les aimes, là t'inquiète. Ils sont prêts à te faire ta fête. Tu les aimes des tiens. En lui, la force d'aller plus loin. Si tu essaies, petite forêt, elle n'est que ronces, pierres et orties. En effet, ça se serait. Si tu essaies et t'es gentil, tu essaies d'être un ourson. Horrible, on ne peut plus conséquente, et qui s'enfuit sans discrétion. À la vue d'une salamandre, tu essaies, mais tu n'allumettes. Tu s'allumes que quand on la jette. Le pyromane dans le maquis, tu SM est un simple incendie. Tu SM, c'est la nature dans ce qu'elle fait de plus vilain. Et quand tu SM chichire, c'est pour aider ses bas instincts. Tu SM, c'est dire je t'aime. Et dans ce cas, faut vite t'évader avant que les accords se déchaînent et que les riffs viennent t'assommer. Encore plus fort. USMLA. Encore plus fort qu'Albator. USMLA. Un grand coup de pince et de hardcore. USMLA. USM tes faces, USM tes sorts.